Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, César, ce géant de l'Antiquité devenu l'une des grandes figures légendaires de notre temps. César a été une espèce de météore de l'histoire. Il a traversé cette période comme un génie politique et militaire qu'il était. Le césarisme est quelque chose qui a tellement marqué Rome, et pourtant peu d'années finalement, que toute la suite de l'histoire romaine, tout ce que nous appelons l'Empire, est marquée du sceau de César. L'historien Paul Marius Martin à l'émission Au fil du temps en 1991. Quelle place occupe Jules César dans l'histoire? Comment se compare-t-il à d'autres grandes figures historiques comme celle d'Alexandre le Grand ou de Napoléon Bonaparte, par exemple? Comment expliquer que le personnage de César continue, aujourd'hui encore, de nous fasciner autant? César est un génie que je crois supérieur à Napoléon. Il a les mêmes qualités que Napoléon, qualités de courage physique. Il n'a pas hésité à différentes reprises à se jeter dans la mêlée ou dans la mer et de risquer sa vie. En même temps, il avait le coup d'œil du stratège, la puissance d'invention des nouvelles méthodes qu'il a affirmées, notamment par ce blocus invraisemblable d'Alésia qui assurait la chute de la Gaule. Et en même temps, au point de vue juridique, il était profondément logique. Il avait une idée parfaitement exacte des conditions économiques et sociales de son époque, et il savait là où il fallait porter la réforme. Jérôme Carcopino, membre de l'Académie française, spécialiste de la Rome antique, qui dresse un portrait, vous l'avez entendu, élogieux de César à l'émission Présent en janvier 1970. Pour nous parler de César, Raphaël Wellan, doctorant en histoire ancienne, spécialiste des rapports entre Orient et Occident dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Raphaël Wellan, bonjour. Bonjour. Poursuivons, Raphaël, sur la lancée que nous propose Jérôme Carcopino. Quelle place le personnage, historiquement, de César occupe au palmarès des géants de l'histoire? César est d'abord et avant tout une personnalité qui reste jusqu'à présent un grand général, un grand politique. Il nous est connu surtout parce qu'il a été repris par tout un ensemble de pièces de théâtre. Je crois que le Jules César historique est quelque peu éclipsé par le Jules César de Shakespeare, par exemple, ou ceux de différents films et séries qui peuvent sortir jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Jules César qu'on représente à l'écran ou ailleurs au théâtre est plus grand encore que le vrai Jules César? Vous savez, c'est toujours la même chose. Quand on élève quelqu'un sur un piédestal et qu'on lui fait perdre ses défauts et quelque peu de son humanité, eh bien je le trouve un petit peu moins grand par le fait qu'il soit moins réel. Ouais. Le vrai Jules César, grand général donc, c'est surtout donc cette notion de courage que souligne Jérôme Carcopino que je voudrais mettre de l'avant. Ouais. Le courage et la lucidité. Jules César, c'est quelqu'un, un grand aristocrate, qui va choisir d'aller contre l'aristocratie, à la fois parce qu'il y voit un plus grand intérêt personnel, mais aussi parce qu'il se rend compte que c'est la seule chose à faire pour changer la Rome antique et la République. C'est avant tout un réformateur. Ouais. Et puis on y reviendra à cette gouvernance de César et aux réformes, effectivement, qu'il proposera à Rome. Mais pour se faire plaisir, puis parce que c'est vous qui nous l'avez suggéré, un extrait, puis ça nous permettra de poursuivre sur l'immense place qu'occupe César partout, en art, au théâtre, en littérature, au cinéma, à l'opéra, et bien sûr, en bande dessinée et au dessin animé. Extrait d'Astérix. Des dieux? C'est quelques villageois complètement fous. Des dieux? Laisse-moi rire. Je vous prouverai, moi, ô conseiller pusillanime, que ces imbéciles sont des mortels, très mortels même. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. Mais comment feras-tu pour nous prouver que ces Gaulois ne sont pas des dieux, ô César? Eh bien, j'irai les voir moi-même. Et je leur proposerai quelques épreuves que seuls les dieux pourraient réussir. Aïe! Si ce sont vraiment des dieux, je m'inclinerai. Mais si ce sont des hommes, et rien que des hommes, ils connaîtront la colère de César. Et par Jupiter, je vous le dis, ils finiront dans le ventre des lions du cirque. Venons me préparer un char. Et une escorte. Ça vous fait rigoler d'entendre cet extrait, Raphaël Welland. Pourquoi vous rigolez? Puis pourquoi vous nous avez proposé, en fait, cet extrait? Alors, je veux dire une chose, c'est que la plupart des gens connaissent Jules César à travers, ouais, par exemple, Astérix, à travers différentes choses. Donc, c'est une manière, en fait, un miroir pour pouvoir le connaître. Ensuite, ça me fait rire aussi parce que, d'abord, il y a ce Brutus, ouais, donc ces jeux de mots magnifiques, succulents. Ces allusions, en fait. Voilà. Tu finiras par blesser quelqu'un. Par blesser quelqu'un. Et il finit par se blesser lui-même, oui, mais bon. Donc, et il va tuer son père, donc César, à coup de couteau. Son père, on y reviendra. D'accord. Mais il finira effectivement par tuer César à coup de couteau, ça certainement. Donc oui, pour moi, c'est à la fois ce jeu avec la culture populaire, mm-hmm, et ce César devenu plus grande nature aussi dans la culture populaire, mais c'est aussi donc effectivement ces allusions extraordinaires à la culture antique. Mais ça montre la place qu'il occupe, encore une fois. Qu'est-ce qui nous fascine tant encore aujourd'hui chez lui? Écoutez, il y a justement ce caractère, l'homme qui fonde l'Empire romain, le grand personnage de l'Empire romain, celui qui va donc lancer les réformes qui vont aboutir à la création de l'Empire. Il y a, pour le public francophone, la conquête de la Gaule, oui, la défaite de Vercingétorix, etc., qui a été très vantée, très mise de l'avant dans l'historiographie francophone et surtout évidemment française. Et puis il y a, d'autre part, pour toutes les personnes qui ont fait leur cours classique, le fait d'avoir souffert quelque peu, j'imagine, avec la guerre des Gaules, l'un des textes principaux qu'on a tendance à traduire quand on fait son latin. Tout cela fait que Jules César est resté vivant à travers toutes sortes de choses jusqu'à il y a une dizaine d'années, oui, encore aujourd'hui, parmi les rares qui continuent à traduire ce genre de texte. Alors parlons de son parcours, peut-être en commençant. Vous l'avez rapidement évoqué, vous avez parlé un petit peu de ses origines. Il appartient à la haute, entre guillemets, à César, mais de quel milieu est-il originaire? Qu'en est-il? Et à quel milieu appartient-il? Alors, son véritable nom, en fait, est Gaius Julius César. Ouais. Ce qui implique qu'il fait partie d'un clan, les Julius. Ce n'est pas son prénom, c'est un nom de famille en général. Et ces Julius, Julii, sont parmi, disons, la plus haute aristocratie romaine. Sauf que c'est une aristocratie quelque peu sur le retour. Il y a eu beaucoup de problèmes dans la Gaule, enfin dans la Rome antique, dans la Rome de la République. César va naître en 100 avant Jésus-Christ, c'est le dernier siècle de la République. La République est une République gavée par ses conquêtes, des conquêtes qui ont amené toutes sortes de problèmes. Beaucoup, beaucoup de soldats sont partis. Bon, au départ, ils partaient pour quelques mois, aller guerroyer en Italie. Ouais. Et puis quand il faut aller guerroyer pendant des années, aller en Espagne, aller en Égypte, aller en Syrie, quand ils reviennent chez eux, leur terre ne rend plus rien, a été rendue à la nature, les plus riches les ont rachetés, et petit à petit, l'épine dorsale de la société romaine, les petits et moyens propriétaires, ont été ruinés et sont devenus des prolétaires, des gens qui ne sont plus bons qu'à se reproduire. Ainsi parlent les Latins. César fait partie de cette aristocratie qui se maintient encore, mais qui commence à avoir des difficultés économiques, et César sera quelqu'un qui aura presque toute sa vie des problèmes de dette. Avec, évidemment, de grandes familles dans cette Rome dont on parle et des rivalités aussi entre familles. Ça fera partie de la problématique de César, si on veut. Sa carrière politique, elle commence quand, dans quelles circonstances? César est un enfant de la guerre civile. Son oncle, par alliance, est un homme qui s'appelle Marius, qui fait une assez belle carrière. Il est le chef d'un courant qu'on appellerait les populaires, qui souhaite essayer de reprendre les terres aux riches pour les donner aux plus pauvres. Mmh. Disons les choses comme ça. Lui-même est très riche, César est très riche. C'est une manipulation pour avoir du pouvoir, mais c'est leur programme. Ces gens seront écrasés, massacrés dans une guerre civile qui aura deux volets entre 87 et 82 avant Jésus-Christ, et César sera alors exilé. Sa carrière politique, César la commence donc dans l'exil, en particulier dans les îles de la mer Égée et en Turquie. Il y fait ses premières armes militaires et il reviendra seulement vers 76-75 à Rome, où, ayant aussi eu une très belle éducation, il deviendra rhéteur, c'est-à-dire avocat. Il se lance dans des grands procès, des procès dans lesquels c'est toujours des procès un peu politiques, hein, ouais, dans lesquels il va essayer de faire la peau politiquement à ceux qui l'ont exilé, à ceux qui ont tué Marius, à ceux qui ont fait souffrir le peuple. Et donc ces procès, c'est aussi, d'une certaine manière, s'ouvrir la voie de la politique, ouais, en présentant son programme. Ouais. Et en faisant des alliances, il y aura ce qu'on appelle, qui est devenu une expression, parce que dans la vie de César, il nous laissera de grandes expressions en français, mais le fameux triumvirat, qui sera fondamental pour lui, de quelle manière manière, peut-être en nous disant d'abord, en nous rappelant d'abord de quoi on parle quand on parle de ce triumvirat. Donc le triumvirat va arriver quelques années après. C'est un arrangement entre trois hommes, les triumvirs, les trois hommes donc. C'est un arrangement fondamentalement privé, une alliance entre trois personnages qui individuellement sont incapables de dominer la République. Il y a trop d'autres nobles qui les en empêchent, mais ils se sont rendus compte qu'en unissant leurs forces, ils pourraient obtenir tout ce qu'ils veulent. Mmh. César, lui, apporte ses réseaux, l'amour du petit peuple, le fait d'avoir un grand nom, le nom donc des Julies. Un autre de ses alliés s'appelle Marcus Crassus. C'est un homme extrêmement riche, mais qui a acquis sa richesse d'une manière quelque peu vile et qui n'a jamais obtenu, en fait, qui s'estime mal récompensé par la République, disons les choses ainsi. Donc lui amène la richesse. Et le dernier, c'est Gnaeus Pompée, un homme qui n'a pas la haute, qui ne vient pas de la haute aristocratie, mais qui a le soutien de l'armée, qui a remporté des grandes victoires, qui espère lancer des réformes et notamment obtenir des terres pour les retraites de ses soldats. Mais lorsqu'il revient triomphateur à Rome, eh bien on lui met des bâtons dans les roues. D'où le fait que lui, avec le soutien de l'armée, Crassus avec le soutien des financiers et son propre argent, César avec le soutien du peuple et ses réseaux, vont s'allier et chacun va pouvoir obtenir un petit peu ce qu'il veut. Sauf que c'est surtout César qui va profiter des deux autres et dans ce jeu de dupes va réussir à s'élever au-dessus des deux autres. Ouais. Et puis il y aura cette conquête de la Gaule, la guerre des Gaules, qui sera aussi importante, très, très importante pour lui. Il reviendra à Rome, César, plus tard, mais entre-temps, à partir du moment où ce triumvirat existe, qu'il réussit donc à se construire des bases solides, il décide de faire un grand coup, de partir à la conquête de la Gaule. Pourquoi cette guerre des Gaules? Alors, il faut comprendre que la carrière d'un politicien romain est toujours à deux volets. Il y a un volet domestique, donc des choses que vous faites à Rome, et généralement ensuite c'est suivi par une période d'une à plusieurs années de gouvernorat, donc vous êtes gouverneur quelque part dans le monde. César obtient d'être gouverneur non pas de la Gaule, mais de la Gaule cisalpine, c'est-à-dire le nord de l'Italie, la Lombardie aujourd'hui, et la Gaule narbonnaise, donc le sud de la France. Mmh. Normalement, il n'est pas censé conquérir qui que ce soit. Mais il réussit à force de prétexte par se lancer à la conquête d'un peuple gaulois, puis un autre, puis encore un autre, et finalement réussit à forcer les Gaulois à se lancer dans une grande révolte, les écrase, notamment avec donc cette grande bataille d'Alésia. On ne sait pas où est Alésia, mais bon, enfin tous les historiens savent où est Alésia et les historiens d'Internet ne le savent pas. Disons les choses comme ça. Et donc, il remporte la victoire. Ouais. Ce que César va chercher en Gaule, c'est ce que Pompée et Crassus lui avaient offert auparavant. Il veut se débarrasser de ces deux-là. Il a besoin d'argent. La Gaule est riche. Ouais. Il va obtenir de la richesse. Parce que faire la guerre, c'est s'enrichir. Absolument. Par le butin, par des alliances, par toutes sortes de choses du genre. Et puis, il a besoin du soutien des soldats. Il a besoin d'avoir une armée dont il a assuré le bien-être financier et à laquelle il va promettre des terres. Donc, il veut devenir un nouveau Pompée. Ouais. Et il promet ces terres-là. Mais pour obtenir ces terres, il va falloir que ses soldats le ramènent à Rome en triomphateur. Or, à Rome, pendant ce temps-là, donc on est là entre 58 et 51, cette guerre des Gaules, cette conquête des Gaules, eh bien, pendant ce temps-là, Pompée s'est arrangé pour que César ne puisse pas rentrer tout simplement à Rome. Ce qui le mènera à cette autre fameuse phrase de notre belle langue, franchir le Rubicon. Oui. Donc, le retour à Rome sera difficile. Difficile, oui et non, finalement. Il y arrivera finalement assez facilement en franchissant ce fameux Rubicon. Alors, le Rubicon, en fait, est une petite rivière de rien du tout qui sépare donc la province de César, la Gaule cisalpine, le nord de l'Italie, du reste de l'Italie. Et les soldats n'ont pas le droit, normalement, de franchir le Rubicon. Donc, il faut redevenir un simple citoyen. César refuse. Il veut être élu en restant avec son armée parce qu'il a peur de se séparer de son armée et d'être assassiné ou poursuivi ou quoi que ce soit du genre. Donc, il veut pouvoir être élu et enchaîner les postes pour éviter les problèmes. Il franchit le Rubicon et ce faisant, il déclare « Alea iacta est », donc le sort en est jeté. Et il reprend Rome, il va pourchasser son ennemi Pompée jusqu'en Grèce, puis en Égypte, Pompée y laissera sa vie. L'Égypte, ça nous amène évidemment à Cléopâtre, César et Cléopâtre. Qu'est-ce qui appartient au mythe, qu'est-ce qui appartient à la réalité dans cette histoire? D'abord, encore une fois pour le plaisir, ce film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, un extrait, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, réalisé en 2002. Assez! Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça, d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province ? Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides ? Des trucs pointus, là. Et le sphinx ? Et la tour de Pharos ? C'est quoi ? De la gnognotte ? Oui, enfin, ça date pas d'hier, hein. Que ce soit hier ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples ! Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi. Alors, c'est succulent, évidemment. Ça rappelle de mon souvenir à ceux qui ont vu le film. Mais au-delà de la parodie, Raphaël Welland, elle est faite de quoi, cette relation entre César et Cléopâtre? Qu'est-ce qui appartient au mythe? Qu'est-ce qui appartient à la réalité? Plutôt que le pouvoir de l'amour, c'est plutôt l'amour du pouvoir qui unit ces deux personnages-là. Lorsque César, poursuivant Pompée, arrive en Égypte, Cléopâtre est dans une situation catastrophique. Elle est en vérité mariée avec son frère. C'est un peu complexe, mais en Égypte, on se marie avec son frère depuis longtemps parce que les rois sont des dieux et il est difficile de trouver des dieux sur Terre. Donc lorsque vous avez un frère qui est lui-même aussi un dieu, eh bien vous avez tendance à vous marier ensemble. Cléopâtre, apparemment, se serait fait supplanter un petit peu par sa sœur et donc sa sœur et son frère se sont retournés contre elle, ils l'assiègent. Ils décident, ces deux-là ensemble, donc de tuer Pompée et d'offrir sa tête à César comme cadeau. César, lui, exige non pas seulement la tête de Pompée, mais le fait que l'Égypte se soumette totalement. Le frère, qui s'appelle Ptolémée, le frère de Cléopâtre, refuse de se soumettre totalement, et Cléopâtre, elle, accepte. C'est cela qu'elle offre à César, la soumission de l'Égypte, le blé de l'Égypte, qui est l'une des régions les plus riches de la Méditerranée, les plus fécondes, plutôt que son corps, même s'il prendra son corps aussi, au passage. Mais surtout, ce qu'il veut, c'est l'alliance et la soumission de l'Égypte. Mmh. Il l'obtient et il retourne rapidement finir sa guerre civile et retourner à Rome en triomphateur. Au final, avec Cléopâtre, il aura peut-être, on n'en est pas certain, un enfant, le fameux Césarion. Il passera seulement quelques semaines avec elle en Égypte et ensuite quelques temps à Rome. Mais surtout, l'une des principales actions qu'il va faire, c'est de la marier, pas avec lui, avec un autre de ses frères à elle. Donc ce qu'il veut, c'est que Cléopâtre lui délivre les clés de l'Égypte, pas les clés de son cœur. Il revient donc à Rome, vous le disiez, en triomphateur, et ça nous permet de parler du réformateur. L'historien Paul Marius Martin parlait au début de l'émission de césarisme. Son empreinte sera très, très forte. De quelle manière? Quand on parle de la gouvernance de César, comment la décrire? Alors, César est avant tout un populiste. Quelqu'un, et peut-être que ça vous rappellera certains personnages de notre propre époque, il faut vraiment remettre l'époque dans son contexte, c'est vraiment quelqu'un de son époque. La classe moyenne a été laminée, donc on l'a déjà dit, il n'en reste plus grand-chose, et de plus en plus la fracture sociale s'étend, avec des plus riches qui possèdent absolument tout, y compris le pouvoir politique, et des plus pauvres, très nombreux, la plèbe, qui s'agrandit et qui, de moins en moins, a de capacité d'influer sur son propre sort, sauf par la révolte. Et César, c'est celui qui va sortir de l'aristocratie. Il en a été quelque peu sorti par l'aristocratie elle-même, qui voit bien qu'il n'a plus grand-chose à espérer de l'aristocratie et qui va décider d'aller tendre la main à la plèbe pour s'élever sur le trône. Ouais. Le populiste par excellence. Ouais. Alors il se lance dans des réformes agraires, des grands travaux publics, construction de temples, agrandissement du forum, construction d'autres bâtiments, etc., assèchement de différents marais pour pouvoir obtenir des choses du genre. Il va donc pour pouvoir assurer la survie de la plèbe. Il va aussi se lancer dans le fait de donner la citoyenneté à toutes sortes de personnes qui ne l'avaient pas jusque-là, les gens de la Gaule cisalpine, donc du nord de l'Italie, qui étaient jusque-là une province et qui désormais seront aussi le peuple romain. Donc il se fait des clients, des amis, en leur offrant toutes sortes de choses et en s'assurant, grâce à cela, de tenir entre ses mains tous les fils du pouvoir. Mais il aura, malgré tout, cette fin qu'on connaît tous, célèbre aussi au cinéma et ailleurs, à la télévision également, la façon dont mourra César passera également à l'histoire. Le tyran seul doit mourir. Tuons César pendant son sommeil, il ne dort quand même pas avec lui. C'est pas une si mauvaise idée. On pourrait soudoyer un esclave. Acheter son cuisinier, ou bien son goûteur, l'empoisonner. S'il vous plaît, il ne s'agit pas de commettre un vulgaire meurtre. Il s'agit d'un acte honorable, qui doit être accompli honorablement. à la lumière du jour, à l'intérieur du Sénat, de nos propres mains. De ma propre main. Extrait de la télésérie Rome, présentée en 2005, qui va être un très, très grand succès à la télévision. Raphaël Welland, il mourra donc au grand jour, au milieu du Sénat, poignardé par Brutus. Son fils, peut-être pas, nous disiez-vous. Alors, César meurt notamment parce que quelques semaines auparavant, il s'est fait déclarer dictateur à vie. Les aristocrates commencent à avoir peur qu'il devienne un véritable roi. Il est déjà roi en tout sauf en titre. Ouais. Et là, donc, on décide de lui régler son compte une bonne fois pour toutes, de libérer la République. Ces gens qui vont le tuer se déclareront des libérateurs, ceux qui vont donc ramener l'ordre républicain. On va y revenir après. Revenons donc à cette question du Brutus. Brutus est, lui, le lointain descendant de celui qui aurait chassé le dernier roi de Rome 5 siècles auparavant. Donc c'est presque écrit dans sa naissance qu'il faudrait qu'il tue cette personne-là. Ouais. Sauf que ce n'est absolument pas son fils. César a eu de nombreuses maîtresses, y compris la mère de Brutus. Mais la raison pour laquelle on dit que Brutus serait son fils, ce n'est pas du fait de l'Antiquité. Il y a un texte dans l'Antiquité qui dit un mot, techné, technon, le gamin plutôt que l'enfant. Et ça a été repris par mauvaise traduction en disant « toi aussi mon fils ». Mais ouais. En fait, il dit « toi aussi le gamin ». Mais surtout, ce qui va frapper, ce n'est pas le fait que ce soit son fils. C'est le fait que César est aussi le bienfaiteur de Brutus et d'un bon nombre d'autres des personnes qui vont le tuer. Il a assuré leur carrière politique, il leur a pardonné alors qu'ils avaient rejoint le camp de Pompée et finalement, ils vont l'assassiner dans le Sénat à coups de couteau. Raphaël Welland, cette mort-là quand même, la mort de César, qu'est-ce que ça signifie pour Rome? En fait, César, c'est l'homme qui est venu, qui a vu et qui a fait ce qu'il a pu. Il meurt, oui, mais cet assassinat ne change absolument rien. Les assassins vont sortir, s'imaginer que tout le monde va les applaudir de les avoir libérés, mais en réalité, ce qu'ils offrent, c'est le retour au fait d'être libre de mourir, perclus de dettes et dans la misère. Alors, la révolution qu'a lancée César, le fait de réformer les terres, d'enlever leur pouvoir au Sénat pour essayer d'arbitrer la situation avec un personnage tenant toutes les ficelles et les tyrans, on va revenir à cela, notamment avec le petit-neveu de César, Octave, qui va devenir César parce qu'il sera adopté par le Jules César, et finalement deviendra Auguste, le premier empereur, avec des moyens, une coalition politique ressemblant exactement à celle de César. Raphaël Welland, historien, spécialiste des relations entre l'Occident et l'Orient à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Merci infiniment, Raphaël. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.